Chapitre 2. Fotini. Vous devinez, à l'âge de mes habits, que je n'ai pas 10 000 francs de rente. Mon père est un aubergiste ruiné par les chemins de fer. Il mange du pain dans les bonnes années et des pommes de terre dans les mauvaises. Ajoutez que nous sommes 6 enfants, tous bien endettés. Le jour où j'obtins au concours une mission du jardin des plantes, il y eut fête dans la famille. Non seulement mon départ augmentait l'appitance de chacun de mes frères, mais encore j'allais toucher 250 francs par mois, plus 500 francs une fois payés pour frais de voyage. C'était une fortune. Dès ce moment, on perdit l'habitude de m'appeler le docteur. On m'appela le marchand de bœufs, tant que je paraissais riche. Mes frères comptaient bien qu'on me nommerait professeur à l'université dès mon retour d'Athènes. Mon père avait une autre idée. Il espérait que je reviendrais marié. En sa qualité d'aubergiste, il avait assisté à quelques romans et il était convaincu que les belles aventures ne se rencontrent que sur les grands chemins. Il citait au moins 3 fois par semaine le mariage de la princesse Hypsopte et du lieutenant Reynaud. La princesse occupait l'appartement numéro 1 avec ses 2 femmes de chambre et son courrier, et elle donnait 20 florins par jour. Le lieutenant français était perché au 17, sous les toits. Il payait 1 florin et demi, nourriture comprise. Et cependant, après 1 mois de séjour dans l'hôtel, il était parti en chaise avec la dame russe. Or, pourquoi une princesse emmènerait-elle un lieutenant dans sa voiture, sinon pour l'épouser? Mon pauvre père, avec ses yeux de père, me voyait plus beau et plus élégant que le lieutenant Reynaud. Il ne doutait point que je ne rencontrasse tôt ou tard la princesse qui devait nous enrichir. Si je ne la trouvais pas à table d'hôte, je la verrais en chemin de fer. Si le chemin de fer ne m'était pas propice, nous avions encore les bateaux à vapeur. Le soir de mon départ, on but une vieille bouteille de vin du Rhin, et le hasard voulut que la dernière goutte vint tomber dans mon verre. L'excellent homme en pleura de joie. C'était un présage certain, et rien ne pouvait m'empêcher de me marier dans l'année. Je respectais ses illusions, et je me gardais de lui dire que les princesses ne voyageaient pas en 3e classe. Quant au gîte, mon budget me condamnait à choisir des auberges modestes, où les princesses ne logent pas. Le fait est que je démarquais au Pirée sans avoir ébauché le plus petit roman. L'armée d'occupation avait fait renchérir toutes choses dans Athènes. L'hôtel d'Angleterre, l'hôtel d'Orient, l'hôtel des étrangers étaient inabordables. Le chancelier de la légation de Prusse, à qui j'avais porté une lettre de recommandation, fut assez aimable pour me rechercher un logement. Il me conduisit chez un pâtissier appelé Christodule, au coin de la rue d'Hermès et de la place du Palais. Je trouvai là le vivre et le couvert moyennant 100 francs par mois. Christodule est un vieux palicard décoré de la croix de fer, en mémoire de la guerre de l'indépendance. Il est lieutenant de la phalange et il touche sa solde derrière son comptoir. Il porte le costume national, le bonnet rouge à gland bleu, la veste d'argent, la jupe blanche et les guêtres dorées pour vendre des glaces et des gâteaux. Sa femme, Maroula, est énorme comme toutes les Grecques de 50 ans passés. Son mari l'a acheté 80 piastres au plus fort de la guerre, dans un temps où ce sexe coûtait assez cher. Elle est née dans l'île d'Hydra, mais elle s'habille à la mode d'Athènes. Veste de velours noir, jupe de couleur claire, un foulard natté dans les cheveux. Ni Christodule ni sa femme ne savent un mot d'allemand. Mais leur fils Dimitri, qui est domestique de palace et qui s'habille à la française, comprend et parle un peu tous les patois de l'Europe. Au demeurant, je n'avais pas besoin d'interprète. Sans avoir reçu le don des langues, je suis un polyglotte assez distingué, et j'écorche le grec aussi couramment que l'anglais, l'italien et le français. Mes hôtes étaient de braves gens. Ils s'en rencontrent plus de 3 dans la ville. Ils me donnèrent une petite chambre blanchie à la chaux, une table de bois blanc, 2 chaises de paille, un bon matelas bien mince, une couverture et des draps de coton. Un bois de lit est une superfluité dont les Grecs se privent aisément, et nous vivions à la grecque. Je déjeunais d'une tasse de salepe, je dînais d'un plat de viande avec beaucoup d'olives et de poissons secs. Je soupais de légumes, de miel et de gâteaux. Les confitures n'étaient pas rares dans la maison, et de temps en temps j'évoquais le souvenir de mon pays en me régalant d'un gigot d'agneau aux confitures. Inutile de vous dire que j'avais ma pipe, et que le tabac d'Athènes est meilleur que le vôtre. Ce qui contribua surtout à m'acclimater dans la maison de Christodule, c'est un petit vin de Santorin, qu'il allait chercher je ne sais où. Je ne suis pas gourmet, et l'éducation de mon palais a été malheureusement un peu négligée. Cependant, je crois pouvoir affirmer que ce vin-là serait apprécié à la table d'un roi. Il est jaune comme l'or, transparent comme la topaze, éclatant comme le soleil, joyeux comme le sourire d'un enfant. Je crois le voir encore dans sa carafe au large ventre, au milieu de la toile cirée qui nous servait de nappe. Il éclairait la table, mon cher monsieur, et nous aurions pu souper sans autre lumière. Je n'en buvais jamais beaucoup, parce qu'il était capiteux. Et pourtant, à la fin du repas, je citais des vers d'Anacréon, et je découvrais des restes de beauté sur la face lunaire de la grosse Maroula. Je mangeais en famille avec Christodule et les pensionnaires de la maison. Nous étions quatre internes et un externe. Le premier étage se divisait en quatre chambres, dont la meilleure était occupée par un archéologue français, M. Hippolyte Mérinet. Si tous les Français ressemblaient à celui-là, vous feriez une assez piètre nation. C'était un petit monsieur de 18 à 45 ans, très roux, très doux, parlant beaucoup et armé de deux mains tièdes et moites qui ne lâchaient pas son interlocuteur. Ses deux passions dominantes étaient l'archéologie et la philanthropie. Aussi était-il membre de plusieurs sociétés savantes et de plusieurs confréries bienfaisantes. Quoiqu'il fût grand apôtre de charité et que ses parents lui eussent laissé un beau revenu, je ne me souviens pas l'avoir vu donner un sou à un pauvre. Quant à ses connaissances en archéologie, tout me porte à croire qu'elles étaient plus sérieuses que son amour pour l'humanité. Il avait été couronné par je ne sais quelle académie de province, pour un mémoire sur le prix du papier au temps d'Orphée. Encouragé par ce premier succès, il avait fait le voyage de Grèce pour recueillir les matériaux d'un travail plus important. Il ne s'agissait de rien moins que de déterminer la quantité d'huile consommée par la lampe de Démosthène pendant qu'il écrivait la seconde philippique. Mes deux autres voisins n'étaient pas si savants, à beaucoup près, et les choses d'autrefois ne les souciaient guère. Giacomo Fondi était un pauvre maltais employé à je ne sais plus quel consulat. Il gagnait 150 francs par mois à cacheter des lettres. Je m'imagine que tout autre emploi lui aurait mieux convenu. La nature, qui a peuplé l'île de Malte, pour que l'Orient ne manquât jamais de portefeux, avait donné au pauvre Fondi les épaules, les bras et les mains de Milon de Crotone. Il était né pour manier la massue, et non pour brûler des bâtons de cire à cacheter. Il en usait cependant deux ou trois par jour. L'homme n'est pas maître de sa destinée. Cet insulaire déclassé ne rentrait dans son élément qu'à l'heure du repas. Il aidait Maroula à mettre la table, et vous devinez, sans que je le dise, qu'il apportait toujours la table à bras tendus. Il mangeait comme un capitaine de l'Iliade, et je n'oublierai jamais le craquement de ses larges mâchoires, la dilatation de ses narines, l'éclat de ses yeux, la blancheur de ses 32 dents, meule formidable dont il était le moulin. Je dois avouer que sa conversation m'a laissé peu de souvenirs. On trouvait aisément la limite de son intelligence, mais on n'a jamais connu les bornes de son appétit. Christodule n'a rien gagné à l'héberger pendant 4 ans, quoiqu'il lui fît payer 10 francs par mois pour supplément de nourriture. L'insatiable Maltais absorbait tous les jours, après dîner, un énorme plat de noisettes, qu'il cassait entre ses doigts par le simple rapprochement du pouce et de l'index. Christodule, ancien héros, mais homme positif, suivait cet exercice avec un mélange d'admiration et d'effroi. Il tremblait pour son dessert, et cependant il était flatté de voir à sa table un si prodigieux casse-noisette. La figure de Giacomo n'aurait pas été déplacée dans une de ces boîtes à surprises qui font tant de peur aux petits-enfants. Il était plus blanc qu'un nègre, mais c'est une question de nuance. Ses cheveux épais descendaient jusque sur les sourcils comme une casquette. Par un contraste assez bizarre, ce caliban avait le pied le plus mignon, la cheville la plus fine, la jambe la mieux prise et la plus élégante qu'on pût offrir à l'étude d'un statuaire. Mais ce sont des détails qui ne nous frappaient guère. Pour quiconque l'avait vu manger, sa personne commençait au niveau de la table. Le reste ne comptait plus. Je ne parle que pour mémoire du petit William Lobster. C'était un ange de 20 ans, blond, rosé et joufflu. mais un ange des États-Unis d'Amérique. La maison Lobster & Sons de New York l'avait envoyé en Orient pour étudier le commerce d'exportation. Il travaillait dans la journée chez les frères Philippe. Le soir, il lisait Emerson. Le matin, à l'heure étincelante où le soleil se lève, il allait à la maison de Socrate tirer le pistolet. Le personnage le plus intéressant de notre colonie était sans contredit John Harris, l'oncle maternel du petit Lobster. La première fois que j'ai dîné avec cet étrange garçon, j'ai compris l'Amérique. John est né à Vandalia, dans l'Illinois. Il a respiré en naissant ces terres du Nouveau Monde si vivaces, si pétillants et si jeunes, qu'il porte à la tête comme le vin de champagne et qu'on se grise à le respirer. Je ne sais pas si la famille Harris est riche ou pauvre, si elle a mis son fils au collège ou si elle l'a laissé faire son éducation lui-même. Ce qui est certain, c'est qu'à 27 ans, il ne compte que sur soi, ne s'attend qu'à soi, ne s'étonne de rien, ne croit rien d'impossible, ne recule jamais, croit tout, espère tout, essaye de tout, triomphe de tout, se relève s'il tombe, recommence s'il échoue, ne s'arrête jamais, ne perd jamais courage, et va droit devant lui en sifflant sa chanson. Il a été cultivateur, maître d'école, homme de loi, journaliste, chercheur d'or, industriel, commerçant. Il a tout lu, tout vu, tout pratiqué et parcouru plus de la moitié du globe. Quand je fis sa connaissance, il commandait au Pirée un aviso à vapeur. 60 hommes et 4 canons. Il traitait la question d'Orient dans la revue de Boston. Il faisait des affaires avec une maison d'indigo à Calcutta, et il trouvait le temps de venir 3 ou 4 fois par semaine dîner avec son neveu Lobster et avec nous. Un seul trait entre 1000 vous peindra le caractère de Harris. En 1853, il était l'associé d'une maison de Philadelphie. Son neveu, qui avait alors 17 ans, va lui faire une visite. Il le trouve sur la place Washington, debout, les mains dans les poches, devant une maison qui brûle. William lui frappe sur l'épaule, il se retourne. « C'est toi, dit-il. « Bonjour, Bill. Tu arrives mal, mon enfant. Voici un incendie qui me ruine. J'avais 40 000 $ dans la maison. Nous ne sauverons pas une allumette. »« Que vas-tu faire ? » demanda l'enfant, atterré. « Ce que je vais faire ? Il est 11 heures, j'ai faim. Il me reste un peu d'or dans mon gousset, je vais t'offrir à déjeuner. » Harris est un des hommes les plus sveltes et les plus élégants que j'ai jamais rencontrés. Il a l'air mal, le front haut, l'œil limpide et fier. Ces Américains ne sont jamais ni chétifs ni difformes. Et savez-vous pourquoi ? C'est qu'ils n'étouffent pas dans les langes d'une civilisation étroite. Leur esprit et leur corps se développent à l'aise. Ils ont pour école le grand air, pour maître l'exercice, pour nourrice la liberté. Je n'ai jamais pu faire grand cas de ce monsieur Mérinet. J'examinais Giacomo Fondi avec la curiosité indifférente qu'on apporte dans une ménagerie d'animaux exotiques. Le petit Lobster m'inspirait un intérêt médiocre, mais j'avais de l'amitié pour Harris. Sa figure ouverte, ses manières simples, sa rudesse qui n'excluait pas la douceur, son caractère emporté et cependant chevaleresque, les bizarreries de son humeur, la fougue de ses sentiments, tout cela m'attirait d'autant plus vivement que je ne suis ni fougueux ni passionné. Nous aimons autour de nous ce que nous ne trouvons pas en nous. J'adore les Américains parce que je suis allemand. Pour ce qui est des Grecs, je les connaissais fort peu après 4 mois de séjour en Grèce. Rien n'est plus facile que de vivre dans Athènes sans se frotter au naturel du pays. Je n'allais pas au café, je ne lisais ni la Pandore, ni la Minerve, ni aucun journal du cru. Je ne fréquentais pas le théâtre parce que j'ai l'oreille délicate et qu'une fausse note m'offense plus cruellement qu'un coup de poing. Je vivais à la maison avec mes hôtes, mon herbier et John Harris. J'aurais pu me faire présenter au palais grâce à mon passeport diplomatique et à mon titre officiel. J'avais remis ma carte chez le maître des cérémonies et chez la grande maîtresse, et je pouvais compter sur une invitation au premier bal de la cour. Je tenais en réserve pour cette circonstance un bel habit rouge brodé d'argent que ma tante Rosenthaler m'avait apporté la veille de mon départ. C'était l'uniforme de feu son mari, préparateur d'histoire naturelle à l'Institut philomatique de Minden. Ma bonne tante, femme de grand sens, savait qu'un uniforme est bien reçu dans tout pays, surtout lorsqu'il est rouge. Mon frère aîné fit observer que j'étais plus grand que mon oncle. et que les manches de son habit n'arrivaient pas tout à fait au bout de mes bras. Mais papa répliqua vivement que la broderie d'argent éblouirait tout le monde, et que les princesses n'y regarderaient pas de si près. Malheureusement, la cour ne dansa pas de toute la saison. Les plaisirs de la vie furent la floraison des amandiers et des citronniers. On parlait vaguement d'un grand bal pour le 15 mai. C'était un bruit de ville, accrédité par quelques journaux semi-officiels. Mais il n'y fallait pas compter. Mes études marchaient comme mes plaisirs, au petit pas. Je connaissais à fond le jardin botanique d'Athènes, qui n'est ni très beau ni très riche. C'est un sac qu'on a bientôt vidé. Le jardin royal offrait plus de ressources. Un Français intelligent y a rassemblé toutes les richesses végétales du pays, depuis les palmiers des îles jusqu'au saxifrage du Cap Sunium. J'ai passé là de bonnes journées au milieu des plantations de M. Barrault. Le jardin n'est public qu'à certaines heures. Mais je parlais grec aux sentinelles, et pour l'amour du grec, on me laissait entrer. M. Barrault ne s'ennuyait pas avec moi. Il me promenait partout pour le plaisir de parler botanique et de parler français. En son absence, j'allais chercher un grand jardinier maigre, aux cheveux écarlates, et je le questionnais en allemand. Il est bon d'être polyglotte. J'herborisais tous les jours un peu dans la campagne, mais jamais aussi loin que je l'aurais voulu. Les brigands campaient autour d'Athènes. Je ne suis pas poltron, et la suite de ce récit vous le prouvera, mais je tiens à la vie. C'est un présent que j'ai reçu de mes parents. Je veux le conserver le plus longtemps possible, en souvenir de mon père et de ma mère. Au mois d'avril 1856, il était dangereux de sortir de la ville. Il y avait même de l'imprudence à y demeurer. Je ne m'aventurerai pas sur le versant du Lycabette, sans penser à cette pauvre Madame X, qui y fut dévalisée en plein midi. Les collines de Daphné me rappelaient la captivité de deux officiers français. Sur la route du Pirée, je songeais involontairement à cette bande de voleurs qui se promenait en six fiacres comme une noce et qui fusillait les passants à travers les portières. Le chemin du Pentélique me rappelait l'arrestation de la duchesse de Plaisance ou l'histoire toute récente de Harris et de Lobster. Il revenait de la promenade sur deux chevaux persans appartenant à Harris. Il tombe dans une embuscade. Deux brigands, le pistolet au poing, les arrêtent au milieu d'un pont. Ils regardent autour d'eux et voient à leurs pieds, dans le ravin, une douzaine de coquins armés jusqu'aux dents qui gardaient 50 ou 60 prisonniers. Tous ceux qui avaient passé par là depuis le lever du soleil avaient été dépouillés, puis garrottés pour que personne ne courût donner l'alarme. Harris était sans armes, comme son neveu. Il lui dit en anglais « Jetons notre argent, on ne se fait pas tuer pour 20 $ ». Les brigands ramassent les écus sans quitter la bride des chevaux. Puis ils montrent le ravin et font signe qu'il y faut descendre. Pour le coup, Harris perd patience. Il lui répugne d'être lié. Il n'est pas du bois dont on fait les fagots. Il jette un regard au petit Lobster, et au même instant, deux coups de poing parallèles s'abattent comme deux boulets rames sur la tête des deux brigands. L'adversaire de William roule à la renverse en déchargeant son pistolet. Celui de Harris, lancé plus rudement, passe par-dessus le parapet et va tomber au milieu de ses camarades. Harris et Lobster étaient déjà loin, éventrant leur monture à coups d'éperon. La bande se lève comme un seul homme et fait feu de toutes ses armes. Les chevaux sont tués. Les cavaliers se dégagent, jouent des jambes et viennent avertir la gendarmerie qui se mit en route le surlendemain de bon matin. Notre excellent Christodule apprit avec un vrai chagrin la mort des deux chevaux. Mais il ne trouva pas une parole de blâme pour les meurtriers. « Que voulez-vous » disait-il avec une charmante bonhomie, « c'est leur état. » Tous les Grecs sont un peu de l'avis de notre hôte. Ce n'est pas que les brigands épargnent leurs compatriotes et réservent leur rigueur pour les étrangers, mais un Grec dépouillé par ses frères se dit avec une certaine résignation que son argent ne sort pas de la famille. La population se voit pillée par les brigands comme une femme du peuple se sent battre par son mari, en admirant comme il frappe bien. Les moralistes indigènes se plaignent de tous les excès commis dans la campagne comme un père déflore les fraudaines de son fils. On le gronde tout haut, on l'aime tout bas. On serait bien fâché qu'il ressemblât au fils du voisin, qui n'a jamais fait parler de lui. C'est un fait tellement vrai qu'à l'époque de mon arrivée, le héros d'Athènes était précisément le fléau de l'Attique. Dans les salons et dans les cafés, chez les barbiers où se réunit le petit peuple, chez les pharmaciens où s'assemble la bourgeoisie, dans les rues bourbeuses du bazar, au carrefour poudreux de la belle Grèce au théâtre, à la musique du dimanche et sur la route de Patricia, on ne parlait que du grand Hadji Stravos. On ne jurait que par Hadji Stravos. Hadji Stravos l'invincible, Hadji Stravos effroi des gendarmes, Hadji Stravos le roi des montagnes. On aurait pu faire, Dieu me pardonne, les litanies d'Hadji Stravos. Un dimanche que John Harris dînait avec nous, c'était peu de temps après son aventure, je mis le bon Christodule sur le chapitre d'Hadji Stravos. Notre hôte l'avait beaucoup fréquenté autrefois, pendant la guerre de l'indépendance, dans un temps où le brigandage était moins discuté qu'aujourd'hui. Il vida son verre de vin de Santorin, lustra sa moustache grise et commença un long récit entrecoupé de quelques soupirs. Il nous apprit que Stravos était le fils d'un papas ou prêtre de l'île de Tino. Il naquit Dieu sait en quelle année. Les Grecs du bon temps ne connaissent pas leur âge, car les registres de l'état civil sont une invention de la décadence. Son père, qui le destinait à l'église, lui fit apprendre à lire. Vers l'âge de 20 ans, il fit le voyage de Jérusalem et ajouta à son nom le titre de Hadji, qui veut dire pèlerin. Hadji Stravos, en rentrant au pays, fut pris par un pirate. Le vainqueur lui trouva des dispositions et de prisonnier le fit matelot. C'est ainsi qu'il commença à guerroyer contre les navires turcs, et généralement contre tous ceux qui n'avaient pas de canon à bord. Au bout de quelques années de service, il s'ennuya de travailler pour les autres, et résolut de s'établir à son compte. Il n'avait ni bateau, ni argent pour en acheter un. Force lui fut d'exercer la piraterie à terre. Le soulèvement des Grecs contre la Turquie lui permit de pêcher en eau trouble. Il ne sut jamais bien exactement s'il était brigand ou insurgé, ni s'il commandait à des voleurs ou à des partisans. Sa haine pour les Turcs ne l'aveuglait pas à ce point qu'il passa près d'un village grec sans le voir et le fouiller. Tout argent lui était bon, qu'il vînt des amis ou des ennemis, du vol simple ou du glorieux pillage. Une si sage impartialité augmenta rapidement sa fortune. Les bergers accoururent sous son drapeau lorsqu'on sut qu'il y avait gros à gagner avec lui. Sa réputation lui fit une armée. Les puissances protectrices de l'insurrection eurent connaissance de ses exploits, mais non de ses économies. En ce temps-là, on voyait tout en beau. Lord Byron lui dédia une ode. Les poètes et les rhéteurs de Paris le comparèrent à Épaminondas, et même à ce pauvre Aristide. On broda pour lui des drapeaux au faubourg Saint-Germain. On lui envoya des subsides. Il reçut de l'argent de France. Il en reçut d'Angleterre et de Russie. Je ne voudrais pas jurer qu'il n'en a jamais reçu de Turquie. C'était un vrai palicard. À la fin de la guerre, il se vit assiégé avec les autres chefs dans l'acropole d'Athènes. Il logeait au Propylée, entre Margaritis et Ligandas, et chacun d'eux gardait ses trésors au chevet de son lit. Par une belle nuit d'été, le toit tomba si adroitement qu'il écrasa tout le monde, excepté Hadji Stravos, qui fumait son narguilé au grand air. Il recueillit l'héritage de ses compagnons, et chacun pensa qu'il l'avait bien gagné. Mais un malheur qu'il ne prévoyait pas vint arrêter le cours de ses succès. La paix se fit. Hadji Stravos, retiré à la campagne avec son argent, assistait à un étrange spectacle. Les puissances qui avaient mis la Grèce en liberté essayaient de fonder un royaume. Des mots malsonnants venaient bourdonner autour des oreilles velues du vieux palicard. On parlait de gouvernement, d'armée, d'ordre public. On le fit bien rire en lui annonçant que ses propriétés étaient comprises dans une sous-préfecture. Mais lorsque l'employé du fisc se présenta chez lui pour toucher les impôts de l'année, il devint sérieux. Il jeta le percepteur à la porte, non sans l'avoir soulagé de tout l'argent qu'il avait sur lui. La justice lui chercha querelle. Il reprit le chemin des montagnes. Aussi bien il s'ennuyait dans sa maison. Il comprenait jusqu'à un certain point qu'on eût un toit, mais à condition de dormir dessus. Ses anciens compagnons d'armes étaient dispersés par tout le royaume. L'État leur avait donné des terres. Ils les cultivaient en rechignant et mangeaient du bout des dents le pain amer du travail. Lorsqu'ils apprirent que le chef était brouillé avec la loi, ils vendirent leurs champs et coururent le rejoindre. Quant à lui, il se contenta d'affermer ses biens. Il a des qualités d'administrateur. La paix et l'oisiveté l'avaient rendu malade. L'air des montagnes le ragaillardit si bien qu'en 1840, il songea au mariage. Il avait assurément passé la cinquantaine, mais les hommes de cette trempe n'ont rien à démêler avec la vieillesse. La mort même y regarda deux fois avant de les entreprendre. Il épousa une riche héritière d'une de ses meilleures familles de Laconie et devint ainsi l'allié des plus grands personnages du royaume. Sa femme le suivait partout, lui donna une fille, prit les fièvres et mourut. Il éleva son enfant lui-même, avec des soins presque maternels. Lorsqu'il faisait sauter la petite sur ses genoux, les brigands, ses compagnons, lui disaient en riant « Il ne te manque que du lait !» L'amour paternel donna un nouveau ressort à son esprit. Pour amasser à sa fille une dot royale, il étudia la question d'argent, sur laquelle il avait des idées trop primitives. Au lieu d'entasser ses écus dans les coffres, il les plaça. Il apprit les tours et les détours de la spéculation. Il suivit le cours des fonds publics en Grèce et à l'étranger. On prétend même que frappé des avantages de la commandite, il eut l'idée de mettre le brigandage en action. Il a fait plusieurs voyages en Europe, sous la conduite d'un grec de Marseille, qui lui servait d'interprète. Pendant son séjour en Angleterre, il assista à une élection dans je ne sais quel bourg pourri du Yorkshire. Ce beau spectacle lui inspira des réflexions profondes sur le gouvernement constitutionnel et ses profits. Il revint décidé à exploiter les institutions de sa patrie et à s'en faire un revenu. Il brûla bon nombre de villages pour le service de l'opposition. Il en détruisit quelques autres dans l'intérêt du parti conservateur. Lorsqu'on voulait renverser un ministère, on n'avait qu'à s'adresser à lui. Il prouvait par des arguments irréfutables que la police était mal faite et qu'on obtiendrait un peu de sécurité qu'en changeant le cabinet. Mais en revanche, il donna de rudes leçons aux ennemis de l'ordre en les punissant par où ils avaient péché. Ses talents politiques se firent si bien connaître que tous les partis le tenaient en haute estime. Ses conseils en matière d'élection étaient presque toujours suivis, si bien que, contrairement au principe du gouvernement représentatif, qui veut qu'un seul député exprime la volonté de plusieurs hommes, il était représenté lui seul par une trentaine de députés. Un ministre intelligent, le célèbre Ralettis, s'avisa qu'un homme qui touchait si souvent au ressort du gouvernement finirait peut-être par déranger la machine. Il entreprit de lui lier les mains par un fil d'or. Il lui donna rendez-vous à Carvati, entre l'Imet et le Pentélic, dans la maison de campagne d'un consul étranger. Hadjistravos y vint sans escorte et sans armes. Le ministre et le brigand, qui se connaissaient de longue date, déjeunèrent ensemble comme de vieux amis. Au dessert, Ralettis lui offrit amnistie pleine et entière pour lui et les siens, un brevet de général de division, le titre de sénateur et 10 000 hectares de forêt en toute propriété. Le palicard hésita quelque temps et finit par répondre non. « J'aurais peut-être accepté il y a 20 ans, dit-il, mais aujourd'hui je suis trop vieux. Je ne peux pas à mon âge changer ma manière de vivre. La poussière d'Athènes ne me vaut rien. Je dormirais au Sénat, et si tu me donnais des soldats à commander, je serais capable de décharger mes pistolets sur leur uniforme, par la force de l'habitude. Retourne donc à tes affaires et laisse-moi vaquer aux miennes. » Ralettis ne se tint pas pour battu. Il essaya d'éclairer le brigand sur l'infamie du métier qu'il exerçait. Hadjistravos se mit à rire et lui dit avec une aimable cordialité « Compère, le jour où nous écrirons nos péchés, lequel de nous deux aura la liste la plus longue ?»« Songe enfin, ajusta le ministre, que tu ne saurais échapper à ta destinée. Tu mourras un jour ou l'autre de mort violente. »« Allah Kirim, répondit-il en turc, ni toi ni moi n'avons lu dans les étoiles. Mais j'ai du moins un avantage, c'est que mes ennemis portent un uniforme et je les reconnais de loin. Tu ne peux pas en dire autant des tiens. Adieu, frère. » 6 mois après, le ministre mourut assassiné par ses ennemis politiques. Le brigand vit encore. Notre hôte ne nous raconta pas tous les exploits de son héros. La journée n'y aurait pas suffi. Il se contenta d'énumérer les plus remarquables. Je ne crois pas qu'en aucun pays les émules d'Hadjistravos aient jamais rien fait de plus artistique que l'arrestation du Nibur. C'est un vapeur du Lloyd autrichien que le palicard a dévalisé à terre, sur les 11 heures du matin. Le Nibur venait de Constantinople. Il déposa sa cargaison et ses passagers à Kalamaki, à l'orient de l'isthme de Corinthe. 4 fourgons et 2 omnibus prirent les passagers et les marchandises pour les transporter de l'autre côté de l'isthme, au petit port de Loutraki, où un autre bateau les attendait. Il attendit longtemps. Hadjistravos, en plein jour, sur une belle route, en plat pays et déboisé, enleva les marchandises, les bagages, l'argent des voyageurs et les munitions des gendarmes qui escortaient le convoi. Ce fut une journée de 250 000 francs, nous dit Christodule avec une nuance d'envie. On a beaucoup parlé des cruautés d'Hadji Stravos. Son ami Christodule nous prouva qu'il ne faisait pas le mal par plaisir. C'est un homme sobre, qui ne s'enivre de rien, pas même de sang. S'il lui arrive de chauffer un peu fort les pieds d'un riche paysan, c'est pour savoir où le lardre a caché ses écus. En général, il traite avec douceur les prisonniers dont il espère une rançon. Dans l'été de 1854, il descendit un soir avec sa bande chez un gros marchand de l'île de B, M. Voidy. Il trouva la famille assemblée, plus un vieux juge au tribunal de Chalcy, qui faisait sa partie de cartes avec le maître de la maison. Hadji Stravos offrit au magistrat de lui jouer sa liberté. Il perdit et s'exécuta de bonne grâce. Il emmena M. Voidy, sa fille et son fils. Il laissa la femme pour qu'elle pût s'occuper de la rançon. Le jour de l'enlèvement, le marchand avait la goutte. Sa fille avait la fièvre. Le petit garçon était pâle et boursouflé. Ils revinrent 2 mois après, tout guéris par l'exercice, le grand air et les bons traitements. Toute une famille retrouva la santé pour 50 000 francs. Était-ce payé trop cher ? Je confesse, ajouta Christodule, que notre ami est sans pitié pour les mauvais payeurs. Lorsqu'une rançon n'est pas soldée à l'échéance, il tue ses prisonniers avec une exactitude commerciale. C'est sa façon de protester les billets. Quelle que soit mon admiration pour lui et l'amitié qui unit nos deux familles, je ne lui ai pas encore pardonné le meurtre des 2 petites filles de Mistra. C'étaient 2 jumelles de 14 ans, jolies comme 2 petites statues de marbre, fiancées à des jeunes gens de Léondari. Elles se ressemblaient si exactement qu'en les voyant ensemble, on croyait y voir double, et l'on se frottait les yeux. Un matin, elles allaient vendre des cocons à la filature. Elles portaient ensemble un grand panier, et elles couraient légèrement sur la route, comme 2 colombes attelées au même char. Hadji Stravos les emmena dans la montagne et écrivit à leur mère qu'il les rendrait pour 10 000 francs, payables à la fin du mois. La mère était une veuve aisée, propriétaire de beaux mûriers, mais pauvre d'argent comptant, comme nous sommes tous. Elle emprunta sur ses biens, ce qui n'est jamais facile, même à 20% d'intérêt. Il lui fallut 6 semaines et plus pour réunir la somme. Lorsqu'elle eut enfin l'argent, elle le chargea sur un mulet et partit à pied pour le camp d'Hadji Stravos. Mais en entrant dans la grande langada du Téguet, à l'endroit où l'on trouve 7 fontaines, sous un platane, le mulet qui marchait devant s'arrêta net et refusa de faire un pas. Alors la pauvre mère vit sur le bord du chemin ses petites filles. Elles avaient le cou coupé jusqu'à l'os, et ses jolies têtes ne tenaient presque plus au corps. Elle prit les 2 pauvres créatures, les chargea elle-même sur le mulet et les ramena à Mistra. Elle ne put jamais pleurer. Aussi, elle devint folle et mourut. Je sais qu'Hadji Stravos a regretté ce qu'il avait fait. Il croyait que la veuve était plus riche et qu'elle ne voulait pas payer. Il avait tué les 2 enfants pour l'exemple. Il est certain que depuis ce temps-là, ses recouvrements se sont toujours bien faits et que personne n'a plus osé le faire attendre. « Brutta caronga !» cria Giacomo en frappant un coup qui ébranla la maison comme un tremblement de terre. « Si jamais il me tombe sous la main, je lui servirai une rançon de 10 000 coups de poing qui lui permettra de se retirer des affaires. » « Moi, dit le petit lobster avec son sort sourire tranquille, je ne demande qu'à le rencontrer à 50 pas de mon revolver. Et vous, oncle John ?» Harris sifflait entre ses dents un petit air américain, aigu comme une lame de stylet. « En croirais-je mes oreilles ?» ajouta de sa voix flûtée le bon monsieur Mérinet, mortel harmonieux. « Est-il possible que de telles horreurs se commettent dans un siècle comme le nôtre ? Je sais bien que la Société pour la moralisation des malfaiteurs n'a pas encore établi de succursale dans ce royaume. Mais en attendant, n'avez-vous pas une gendarmerie ?»« Certainement, reprit Christodule, 50 officiers, 152 brigadiers et 1250 gendarmes, dont 150 à cheval. C'est la meilleure troupe du royaume, après celle d'Hadji Stravos. Ce qui m'étonne, dis-je à mon tour, c'est que la fille du vieux coquin l'ait laissé faire. » Elle n'est pas avec lui. À la bonne heure, où est-elle? En pension. À Athènes? Vous m'en demandez trop, je n'en sais pas si long. Toujours est-il que celui qui l'épousera fera un beau mariage. Oui, dit Harris, on assure également que la fille de Calcraft n'est pas un mauvais parti. Qu'est-ce que Calcraft? Le bourreau de Londres. À ces mots, Dimitri, le fils de Christodule, rougit jusqu'aux oreilles. Pardon, monsieur, dit-il à John Harris, Il y a grande différence entre un bourreau et un brigand. Le métier de bourreau est infâme. La profession de brigand est honorée. Le gouvernement est obligé de garder le bourreau d'Athènes au fort Palamède, sans quoi il serait assassiné. Tandis que personne ne veut de mal à Algistraos, et que les plus honnêtes gens du royaume seraient fiers de lui donner la main. Harris ouvrait la bouche pour répliquer, lorsque la sonnette de la boutique retentit. C'était la servante qui rentrait avec une jeune fille de 15 à 16 ans, habillée comme la dernière gravure du journal des modes. Dimitri se leva en disant « C'est Fotini ». « Messieurs, dit le pâtissier, parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Les histoires de brigands ne sont pas faites pour les demoiselles. » Christodule nous présenta Fotini comme la fille d'un de ses compagnons d'armes, le colonel Jean, commandant de place à Nauply. Elle s'appelait donc Fotini, fille de Jean, suivant l'usage du pays, où il n'y a pas à proprement parler de nom de famille. La jeune Athénienne était laide, comme les 9/10 des filles d'Athènes. Elle avait de jolies dents et de beaux cheveux, mais c'était tout. Sa taille épaisse semblait mal à l'aise dans un corset de Paris. Ses pieds arrondis en forme de fer à repasser devaient souffrir le supplice. Ils étaient faits pour se traîner dans des babouches, et non pour se cirer dans des bottines de meillère. Sa face rappelait si peu le type grec qu'elle manquait absolument de profil. Elle était plate comme si une nourrice imprudente avait commis la faute de s'asseoir sur la figure de l'enfant. La toilette ne va pas à toutes les femmes. Elle donnait presque un ridicule à la pauvre Fotini. Sa robe à volant, soulevée par une puissante crinoline, faisait ressortir la gaucherie de sa personne et la maladresse de ses mouvements. Les bijoux du palais royal, dont elle était émaillée, semblaient autant de points d'exclamation destinés à signaler les imperfections de son corps. Vous auriez dit une grosse et courte servante qui s'est endimanchée dans la garde-robe de sa maîtresse. Aucun de nous ne s'étonna que la fille d'un simple colonel fût si chèrement habillée pour passer son dimanche dans la maison d'un pâtissier. Nous connaissions assez le pays pour savoir que la toilette est la plaie la plus incurable de la société grecque. Les filles de la campagne font percer des pièces d'argent, les cousent ensemble en forme de casque et s'en coiffent au jour de gala. Elles portent leur dot sur la tête. Les filles de la ville la dépensent chez les marchands et la portent sur tout le corps. Fotini était en pension à l'Hétairie. C'est, comme vous savez, une maison d'éducation établie sur le modèle de la Légion d'honneur, mais régie par des lois plus larges et plus tolérantes. On y élève non seulement les filles des soldats, mais quelquefois aussi les héritières des brigands. La fille du colonel, Jean, savait un peu de français et d'anglais, mais sa timidité ne lui permettait pas de briller dans la conversation. J'ai su plus tard que sa famille comptait sur nous pour la perfectionner dans les langues étrangères. Son père, ayant appris que Christodule hébergeait des Européens honnêtes et instruits, avait prié le pâtissier de la faire sortir tous les dimanches et de lui servir de correspondant. Ce marché paraissait agréé à Christodule et surtout à son fils Dimitri. Le jeune domestique de place dévorait des yeux la pauvre pensionnaire, qui ne s'en apercevait pas. Nous avions fait le projet d'aller tous ensemble à la musique. C'est un beau spectacle que les Athéniens se donnent à eux-mêmes tous les dimanches. Le peuple entier se rend en grands atours dans un champ de poussière pour entendre des valses et des quadrilles jouées par une musique de régiment. La cour n'y manquerait pas pour un empire. Après le dernier quadrille, chacun retourne chez soi, l'habit poudreux, le cœur content, et on dit « Nous nous sommes bien amusés ». Il est certain que Fotini comptait se montrer à la musique, et son admirateur Dimitri n'était pas fâché d'y paraître avec elle, car elle portait une redingote neuve qu'il avait achetée toute faite au dépôt de la belle jardinière. Malheureusement, la pluie se mit à tomber si dru qu'il fallut rester à la maison. Pour tuer le temps, Maroula nous offrit de jouer des bonbons. C'est un divertissement à la mode dans la société moyenne. Elle prit un bocal dans la boutique et distribua à chacun de nous une poignée de bonbons indigènes, aux girofles, à l'anis, aux poires et à la chicorée. Là-dessus, on donna des cartes. Et le premier qui savait en rassembler 9 de la même couleur recevait 3 dragées de chacun de ses adversaires. Le Maltais Giacomo témoigna par son attention soutenue que le gain ne lui était pas indifférent. Le hasard se déclara pour lui. Il fit une fortune et nous le vîmes engloutir 7 ou 8 poignées de bonbons qui s'étaient promenées dans les mains de tout le monde et de M. Mérinet. Moi qui prenais moins d'intérêt à la partie, je concentrais mon attention sur un phénomène curieux qui se produisait à ma gauche. tandis que les regards du jeune Athénien venaient se briser un à un contre la différence de Fotini. Aris, qui ne la regardait pas, l'attirait à lui par une force invincible. Il tenait ses cartes d'un air passablement distrait, bâillait de temps en temps avec une candeur américaine ou sifflait Yankee Doodle, sans respect pour la compagnie. Je crois que le récit de Christodule l'avait frappé et que son esprit trottait dans la montagne à la poursuite d'Agistravos. Dans tous les cas, s'il pensait à quelque chose, ce n'était assurément pas à l'amour. Peut-être la jeune fille n'y songeait-elle pas non plus, car les femmes grecques ont presque tout au fond du cœur un bon pavé d'indifférence. Cependant, elle regardait mon ami John comme une alouette regarde un miroir. Elle ne le connaissait pas. Elle ne savait rien de lui, ni son nom, ni son pays, ni sa fortune. Elle ne l'avait point entendu parler. Et quand même elle l'aurait entendu, elle n'était certainement pas apte à juger s'il avait de l'esprit. Elle le voyait très beau, et c'était assez. Les Grecs d'autrefois adoraient la beauté. C'est le seul de leurs dieux qui n'ait jamais eu d'athée. Les Grecs d'aujourd'hui, malgré la décadence, savent encore distinguer un Apollon d'un magot. On trouve dans le recueil de M. Fauriel une petite chanson qui peut se traduire ainsi. « Jeune garçon, voulez-vous savoir ? Jeune fille, voulez-vous apprendre comment l'amour entre chez nous ? Il entre par les yeux, des yeux, il descend dans le cœur, et dans le cœur, il prend racine. » Décidément, Fotini savait la chanson, car elle ouvrait de grands yeux pour que l'amour pût y entrer sans se baisser. La pluie ne se lassait pas de tomber, ni Dimitri de lorgner la jeune fille, ni la jeune fille de regarder Aris, ni Giacomo de croquer des bonbons, ni M. Mérinet de raconter au petit lobster un chapitre d'histoire ancienne, qu'il n'écoutait pas. À 8 heures, Maroula mit le couvert pour le souper. Fotini fut placée entre Dimitri et moi, qui ne tirait pas à conséquence. Elle causa un peu et n'en mangea rien. Au dessert, quand la servante parla de la reconduire, elle fit un effort visible et me dit à l'oreille « Monsieur Aris est-il marié ?» Je pris plaisir à l'embarrasser un peu et je répondis « Oui, mademoiselle, il a épousé la veuve des doges de Venise. Est-il possible? Quel âge a-t-elle? Elle est vieille comme le monde et éternelle comme lui. Ne vous moquez pas de moi, je suis une pauvre fille et je ne comprends pas vos plaisanteries d'Europe. En d'autres termes, mademoiselle, il a épousé la mère. C'est lui qui commande le stationnaire américain The Fancy. » Elle me remercia avec un tel rayonnement de joie que sa laideur en fut éclipsée, et que je la trouvais jolie pendant une seconde au moins.